Le pied de la croix, les douleurs de Marie par le révérend père Frédéric William Faber, édition Brayer-Retaux. Markham d'anarchive.org. D'après la numérisation de la bibliothèque Sainte-Geneviève, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. Chapitre 1er. 7. Esprit de la dévotion aux douleurs de la Sainte Vierge. Il semble cependant nécessaire, avant de terminer ce chapitre, de dire quelque chose sur l'esprit de cette belle dévotion populaire. Elle produit dans nos âmes une tendresse extrême pour notre Seigneur, tendresse unie à la plus profonde vénération. Jésus réclame de nous l'adoration due à sa divinité. Il exige une foi exempte de doute en sa bonté et en l'abondance de sa grâce de rédemption. Il attend de nous la conviction que notre unique espérance est en lui, et par suite, il demande comme service raisonnable et nécessaire l'accomplissement de nos devoirs envers lui, et l'obéissance à ses commandements. Mais Jésus demande beaucoup plus. Il a quelque chose de bien plus à cœur. Il demande notre tendresse. Il désire que nous lui présentions sans cesse nos cœurs. Il voudrait nous gagner et nous unir à lui par les liens de l'affection la plus familière et la plus intime. Il voudrait nous faire identifier nos intérêts avec les siens, et concentrer en lui toutes nos sympathies. Il voudrait que sa pensée remplisse nos yeux de larmes et enflamme nos cœurs d'amour. Son nom devrait être la plus douce harmonie que nous connussions, ses paroles devraient être la loi de toute notre vie. Il désire, en quelque sorte, que nous oublions la somme exacte de nos obligations actuelles envers lui. Et, en effet, que servirait de nous les rappeler, lorsque nous savons qu'il est au-delà de notre pouvoir de nous en acquitter? Il voudrait que nous agissions avec lui spontanément, généreusement, abondamment, avec les instincts de l'amour, et non comme si la vie de la foi était un esprit de commerce, une balance de justice, un devoir de reconnaissance, ou le calcul prudent d'un intelligent intérêt personnel. Nous devrions nous attacher à Jésus comme un enfant s'attache à sa mère. Nous devrions nous suspendre à son cou comme à celui d'un ami dont l'absence nous est insupportable. Nous devrions le garder tendrement dans nos pensées, comme font quelquefois les hommes qui vivent avec un tendre chagrin, devenu pour eux la douce et paisible lumière de toute leur vie. Or, les douleurs de la Sainte Vierge, en tenant continuellement la passion de Jésus devant nos yeux, possède une vertu spéciale pour produire en nous cette tendresse. Lui, qui doit être aimé infiniment de toutes les manières, nous l'aimons d'une manière toute spéciale lorsqu'il est réfléchi dans le cœur de sa mère, et, quoiqu'il nous soit absolument nécessaire de contempler la passion de notre Seigneur dans toute la nudité des circonstances barbares et de l'ignominie révoltante qui l'accompagne, condition sans laquelle nous ne pouvons jamais avoir une idée juste de la malice du péché, cependant la passion, vue à travers Marie, a une vertu qui fait que nous nous oublions nous-mêmes, et qui nous remplit tranquillement de la plus affectueuse tendresse et de la sympathie la plus aimante envers notre Seigneur. Les émotions que fait naître la passion en elle-même sont nombreuses et vives, mais l'esprit de tendresse règne sur les douleurs de Marie d'une manière exclusive et souveraine. De cette tendresse provient une grande haine du péché. Si Dieu nous donnait à choisir pour nous-mêmes l'un de ses dons si grands et si extraordinaires qu'il a accordés à ses saints, nous ne pourrions mieux faire que de demander cette haine vive et puissante du péché, qu'ont ressenti quelques-uns d'entre eux. C'est un don qui est à la racine de toute perfection, et qui forme la vigueur surnaturelle de toute persévérance. C'est à la fois la plus sûre et la plus efficace de toutes les grâces spéciales. La dévotion aux douleurs de la Sainte Vierge nous est d'un grand secours, tant pour acquérir, comme une habitude, la haine du péché, que pour mériter cette haine comme une grâce. La désolation causée par le péché dans le cœur de la Mère Immaculée, et la réflexion que les douleurs de Marie n'étaient point, comme celles de Jésus, la rédemption du monde, nous remplit d'horreur, de pitié, d'indignation et de remords. Il ne s'y trouve rien pour nous distraire de cette pensée, tandis qu'il s'en trouve dans le sacrifice de notre Seigneur, qui accomplit ainsi sa grande œuvre en satisfaisant à la justice de son Père, en méritant l'exaltation de son humanité sacrée, et en devenant lui-même le Père de l'innombrable multitude des élus. Le cœur de la Mère du Sauveur saigne simplement parce qu'elle est sa mère. Et ce sont nos péchés qui le font saigner si cruellement. Nous sommes nous-mêmes une partie de l'ombre formée par l'éclipse qui passe accompagnée de tant d'obscurité sur la vie sans tache de Marie. Nous ne pouvons jamais nous empêcher de penser au péché, aussi longtemps que nous voyons cette glaive qui, semblable à une gerbe terrible, s'élève du fond même de ce sanctuaire du cœur brisé de la Mère du Sauveur. Cependant, dans les douleurs de Marie, et même dans cette horreur du péché, il y a aussi quelque chose qui fait que nous nous oublions nous-mêmes, sans aucun péril pour notre humilité. La contemplation de ces douleurs fait naître en nous un vif désir de la conversion des pécheurs. Il semble qu'en raison de ce qu'elles ont été le travail propre de la reine des apôtres, elles excitent en nous des instincts d'apostolat. Que ce soit là une grâce secrète qu'elles communiquent, ou que ce soit un résultat naturel du sujet de cette méditation, il est certain que la contemplation des douleurs de Marie est pour les âmes des missionnaires, une dévotion favorite. Le malheur de perdre Jésus, l'angoisse intolérable d'une séparation, quelque courte qu'elle fût, les ténèbres et la tristesse qui règnent là où il n'est pas, ce sont là autant de figures remarquables dans chacune des sept séries de ces douleurs mystérieuses. Et combien sont éloignés de Jésus les pécheurs, les hérétiques et les païens. Comme ils se sont égarés loin de la vie du calvaire. Combien nombreuses, et combien précieuses, de tant de manières sont ces âmes égarées, quelles misères s'en font que le péché. Et, pour nous, quelle misère que ces voix joyeuses et ces visages radieux, qui ne s'inquiètent pas de l'avenir, mais qui s'avance en chantant dans le chemin d'une sombre éternité, comme s'il se rendait à un joyeux festin de noces. Qui pourrait voir ces malheureux malades sans désirer ardemment de les guérir? Et puis, c'est le péché qui causa toute la passion, qui causa toutes ces souffrances. Peut-être un cœur, dans l'ardeur de l'amour, s'oubliera-t-il lui-même, et pensera pour un instant, qu'en prévenant le péché, il peut épargner quelques peines à notre bien-aimé Sauveur. Est-ce là une erreur? N'y a-t-il là aucune réalité? D'une manière ou d'une autre, ce cœur s'occupera de la réparation, et il n'y a pas de réparation égale à la conversion d'un pécheur. Et les brebis égarées seront placées aux pieds de Marie, elle les soulèvera doucement et les placera dans les bras étendus de l'heureux pasteur. Nous nous assoirons et nous pleurerons de joie, parce qu'il nous aura été permis de faire quelque chose pour Jésus et Marie, et nous ne demanderons pas de grâce pour nous-mêmes, mais nous chercherons pour eux seuls la gloire, l'amour et la louange. Celui qui croit en dévotion pour Marie, croit en toutes sortes de bonnes choses. Son temps ne peut être mieux employé. Son éternité ne peut être assurée d'une manière plus infaillible. Mais la dévotion est, en somme, plutôt un résultat de l'amour que de la vénération, quoiqu'elle ne soit jamais détachée de celle-ci. Et il n'y a rien dans la Sainte Vierge qui exerce plus notre amour que ses douleurs. Remplis à la fois de délices et de craintes, nous couvrons nos yeux de nos mains lorsque la brillante lumière de son Immaculée Conception éclate sur nous dans sa céleste splendeur. Nous sondons avec crainte et étonnement les profondeurs de sa divine maternité. La vaste étendue de sa science, la sublimité de sa sainteté, la singularité de ses prérogatives, nous remplissent d'une admiration joyeuse unie à une crainte respectueuse. Nous éprouvons une véritable félicité en voyant que toutes ces choses appartiennent à notre propre mère, à celle dont l'amour pour nous ne connaît point de bornes. Mais nous nous fatiguons à lever sans cesse les yeux pour contempler la voûte éclatante du ciel. Les bords argentés des nuages font souffrir nos yeux, qui s'abaissent et se reposent en contemplant les verts gazons de la terre. La lune est belle, quand elle dort de ses teintes rosées le bleu profond qui l'entoure, mais sa lumière, pour nos cœurs que la terre redemande toujours, est plus belle encore quand elle tombe comme une pluie tranquille sur les campagnes, les forêts et les fleuves, ou sur les ondulations de l'immense océan, car, après tout, la terre est un séjour qu'on peut aimer. Ainsi, lorsque la théologie nous développe son enseignement sur les grandeurs de notre mère dans ses mystères sublimes, notre dévotion, à cause de son infirmité même, éprouve une sorte de tension nerveuse. Ô comme, après une longue méditation sur l'Immaculée Conception, l'amour s'échappe de chaque pore de nos cœurs, à la pensée de cette reine qui semble n'être plus une mortelle, et qui se tient debout au pied de la croix, le cœur brisé et les mains tachées de sang. Mère, nous demandons avec instance d'avoir de vous des pensées plus humaines, nous voudrions vous sentir plus près de nous. Nous pouvons pleurer de joie en songeant à la grandeur de votre trône, mais les larmes que nous versons ainsi ne sont point comme celles que nous pouvons verser avec vous sur le calvaire. Elles ne nous reposent pas autant. Quand nous revoyons votre doux et triste visage où se peint la douleur maternelle, les pleurs qui coulent sur vos joues, votre calme au milieu de maux si grands, et le manteau bleu qui nous est connu depuis si longtemps, il semble que nous vous ayons retrouvé après vous avoir perdu, et que vous soyez une Marie différente de cette grande merveille que les cieux admirent. Il nous semble du moins que vous soyez plutôt une mère pour nous sur le sommet peu élevé du calvaire que lorsque vous gravissez les hauteurs inaccessibles du ciel. Voyez comme l'affection des enfants s'échappe, avec un nouvel amour, des replis jusqu'alors inconnus de leur cœur. Ils entourent, comme d'un fleuve, leur mère qui vient de devenir veuve, et ils semblent ainsi lui fournir des larmes inépuisables, et la protéger, par une large frontière d'amour, contre les attaques de nouvelles calamités. La demeure de la douleur est toujours une demeure d'amour. C'est ce qui a lieu en nous à l'égard des douleurs de Marie. Une des mille fins de l'incarnation fut que Dieu consentit à venir nous trouver, et condescendit à la faiblesse de l'humanité, qui retombait toujours dans l'idolâtrie, tant il lui était difficile de regarder toujours en haut et de contempler fixement les fournaises inaccessibles de la divine lumière. Il en est de même des douleurs de Marie comparées à sa grandeur. La nouvelle force de foi et de dévotion, que nous acquérons par la contemplation de la splendeur céleste de Marie, nous donne de nouvelles facultés pour aimer, et tous nos amours, le nouveau comme l'ancien, se rallient autour d'elle dans son agonie au pied de la croix de Jésus. Là, l'amour pour Marie devient plus vif. C'est là le lieu de notre naissance, c'est là que nous sommes devenus ses enfants. Elle a souffert tout cela à cause de nous. L'exemption du péché ne nous est pas commune avec notre mère, mais la douleur nous est commune. Voilà ce que nous partageons avec elle, ce qu'il y a de commun entre elle et nous. Nous nous assiérons donc avec elle, nous pleurerons avec elle, et nous nous remplirons de plus en plus d'amour, sans oublier sa grandeur, oh, jamais assurément. Mais en gravant dans nos cœurs, avec la plus tendre prédilection, le souvenir de son sublime martyre. Quelle est la vie qui est sage, si ce n'est celle qui recommence toujours les 33 années de Jésus? Que faisons-nous autrement que dissiper le temps, encombrer le monde, et prendre sur la terre une place à laquelle les hommes n'ont pas droit? Nous devrions toujours nous occuper de l'un ou de l'autre des mystères de Jésus, y retremper nos pensées, et agir conformément à leur esprit. Les dispositions intérieures de notre Seigneur sont la grande science pratique de la vie, et la seule science qui transportera les produits du temps dans l'éternité. Le moyen que nous devons employer pour apprendre et pour pratiquer cette science, est de méditer sur les mystères de Jésus, ou d'y assister personnellement par la foi, dans l'esprit de Marie. Il faut que cette imitation de Marie soit l'attitude des chrétiens pendant toute leur vie. Marie lisait continuellement dans le cœur sacré de notre Seigneur. Elle voyait habituellement, comme dans un miroir placé devant elle, toutes ses dispositions intérieures, qu'elle regardât soit son Père, soit elle-même ou nous. Quelquefois Jésus couvrait ce miroir d'un voile, mais, d'ordinaire, cette vision était constamment devant les yeux de Marie. Ainsi le rapportent les révélations de Marie d'Agreda. Mais, quand bien même il n'en eût pas été ainsi, qui peut douter que Marie comprît Jésus comme nul autre ne pouvait le faire, et qu'elle fût avec lui dans une union plus étroite et plus réelle que ne put l'être aucun saint? Personne ne peut donc douter que la conformité des sentiments de Marie avec ceux de Jésus, dans tous ses mystères, ne fut extrêmement parfaite, et très en rapport avec sa sainteté consommée. Nous devons donc étudier le cœur de Marie. Nous devons nous efforcer d'entrer dans ses dispositions. Une vie intérieure, imitée de la sienne, toute imparfaite et défigurée que soit nécessairement la copie, est la seule qui soit à l'abri d'une foule d'illusions. Nulle part nous ne pouvons pénétrer plus profondément dans le cœur de Marie, ni être aussi sûrs de nos découvertes, que dans ce qui concerne ses douleurs. Elle nous ouvre, en outre, un champ plus vaste par la participation à l'Esprit de Jésus, car, bien que la joie de notre Sauveur fût immense et perpétuellement béatifique, sa vie cependant se distingua plutôt par la douleur que par la joie. La douleur avait, en quelque sorte, plus d'intimité avec lui que la joie. La joie était la compagne des 33 années de sa vie, la douleur en était le caractère, l'instrument, la force intime, et servait à manifester leur but. Ainsi, une participation à l'Esprit de Jésus par l'Esprit de Marie, est le véritable esprit de la dévotion aux douleurs de la Sainte Vierge. Ceux qui vivent depuis des années au milieu de leurs ombres paisibles, peuvent dire comment elles sont en elles-mêmes une espèce de révélation. Mais, lorsque nous parlons de l'esprit de cette dévotion, nous ne devons pas omettre de parler aussi de son efficacité. Nous ne devons pas nous attacher exclusivement aux effets spirituels qu'elle produit en nous, sans nous souvenir de son efficacité réelle auprès de Dieu. À cet égard, une dévotion peut différer d'une autre. L'une d'elles peut être plus agréable à Dieu, quoique toute lui soit agréable, Dieu peut promettre à l'une des prérogatives qu'il n'a pas promises à l'autre. Or, Il y a peu de dévotions auxquelles notre Seigneur est promis plus qu'à celle-ci. Au-dessus d'elle se tient suspendue une nuée véritable de visions, de révélations, et, comme une conséquence naturelle, une nuée d'exemples des saints. La nature même de cette dévotion montre qu'il en doit être ainsi. Nous savons quel moyen puissant de grâce est la Sainte Vierge, et il faut que notre dévotion envers elle prenne sa forme, pour la plus grande partie, d'après ses afflictions ou ses joies. Or, dans ses joies, comme le dit Saint Sobron, la Sainte Vierge est simplement la débitrice de son Fils, tandis que, dans ses afflictions, c'est lui qui y est, dans un certain sens, son débiteur. Saint Méthodius, le martyr, nous enseigne la même doctrine. Aussi, pour employer des expressions dont de saints écrivains se sont servis avant nous, oserons-nous dire que, par ses douleurs, Marie a placé notre Seigneur sous une sorte d'obligation, d'où elle tire un droit et un pouvoir d'impétration dans lequel la justice entre elle-même pour quelque part. Cependant, lorsque nous pensons au cœur sacré de Jésus, à l'immensité de son amour pour Marie, et à la grande paix de sa passion causée par la vue des souffrances de sa Sainte Mère, nous ne pouvons, même en écartant l'idée d'obligation, douter un moment de l'extrême pouvoir de persuasion que possède, auprès de Jésus, la dévotion aux douleurs de Marie, dévotion qu'il a lui-même commencé à pratiquer, dévotion qui était en réalité une partie importante de sa passion à jamais bénie. Nous attirons à nous Jésus, du moment que nous commençons à penser aux douleurs de sa mère. Il se trouve d'avance, dit saint Anselme, avec ceux qui méditent sur les souffrances de sa mère. Et n'avons-nous pas besoin d'appui au ciel? Quelle grande œuvre nous avons à accomplir dans nos âmes, et combien peu nous l'avons avancée jusqu'à présent. Quels faibles avantages nous nous avons jusqu'ici remportés sur notre passion dominante, sur notre péché habituel. Que notre esprit de prière est superficiel, que notre esprit de pénitence est puéril et timide, que nos moments d'union avec Dieu sont passagers. Nous manquons de vigueur, de résolution, de constance, de fermeté et d'une aspiration plus hardie. En un mot, notre vie spirituelle manque de force. Et voici une dévotion si solide et si efficace, qu'elle a été calculée éminemment pour nous donner cette force, tant par ses résultats virils sur l'âme, que par son influence réelle sur le cœur de notre Seigneur. Qui, en regardant les saints, et en voyant ce qui a été fait en leur faveur, ne ferait pas tous ses efforts pour cultiver en lui-même cette dévotion. Dans les affaires de ce monde, la constance vient avec l'âge, mais qui n'a éprouvé qu'il n'en est pas ainsi dans les choses spirituelles? Hélas, la ferveur et la constance en cette même matière, et la ferveur n'est que trop souvent de peu de durée. Quand nous avons persévéré pendant quelques années, nous nous trouvons fatigués. La familiarité entraîne avec elle l'esprit de négligence. Nos habitudes se déjoignent. C'est comme un engrenage usé, et, comme une machine détraquée, la vie devient inégale et fausse. Aussi, trouvons-nous que plus nous persévérons longtemps, plus nous avons besoin de constance. Car nous avions compté sur la force de l'habitude et espéré que l'âge amènerait la maturité dans sa perfection, et c'est tout le contraire qui arrive. Dans les actions faciles à faire et dans les talents méprisables, dans les indignes complaisances, dans notre grande indulgence pour nous-mêmes, en un mot, dans toutes les choses qui ne sont pas d'une réelle valeur. Le pouvoir de l'habitude est assez fort, on peut même s'y fier entièrement. Mais dans les choses d'une plus grande importance, lorsqu'il s'agit de faire des efforts, de gravir, de combattre, de souffrir avec patience, de persister, nous paraissons devenir plus incertains, plus capricieux, plus irréguliers, plus faibles que nous ne l'étions auparavant. Une faiblesse pire que celle de la jeunesse revient en nous. Elle est pire, parce qu'elle est accompagnée de moins d'espoir. Pire, parce que le temps aurait dû guérir notre ancienne faiblesse et que c'est lui maintenant qui en amène une nouvelle. Pire, parce qu'elle nous rend moins inquiets, car nous nous sommes affermis dans la pensée que nous tentions trop quand nous étions jeunes, et que la prudence nous indique un niveau moins élevé, où l'air est plus doux et meilleur à respirer. Et puis quelques-uns parmi nous ne sentent-ils pas que le monde a plus d'attrait pour nous lorsque nous vieillissons? Il devrait en être autrement, mais il en est ainsi. Cela vient de la tiédeur. La vieillesse désapprend bien des choses, mais les maux fondent sur elle quand elle désapprend la vigueur, quand elle désapprend l'espérance. Le repos est une grande chose. C'est le grand besoin de la vieillesse, mais il ne faut pas que nous nous couchions avant notre temps. À combien de fois l'ardente jeunesse a choisi le monde pour son lit en atteignant la maturité? Et lorsqu'à la fin le monde s'est retiré de dessous elle, où est-elle tombée? Si nous vivons uniquement dans le cercle énervant de l'amour domestique, si surtout nous vivons dans le tourbillon du monde, il faut que nous vivions avec Jésus, dans l'esprit de Marie, où nous sommes perdus. Voilà ce que nous apprendrons en augmentant notre dévotion à ces douleurs. Lorsque nous nous coucherons pour reposer, nous saurons que ce ne sera que pour un moment, et que nous ne devons pas nous endormir. Que cette histoire si pathétique, que les destinées de l'humanité ont placé devant les regards des hommes, retentissent à nos oreilles et frappent à la porte de nos cœurs, et elle deviendra pour nous une source continuelle de sainteté suprême. La torpeur nous deviendra impossible, l'oubli des choses surnaturelles nous sera inconnu, nous sentirons que le repos nous serait agréable pendant quelque temps, mais nous dédaignerons cette tentation. Marie nous enseignera à nous tenir debout au pied de la croix.